Une tache sur le nez de Hervé Blutch. Épisode 4. Seul face au monde. Alors, docteur? Un changement d'aspect, c'est clair. Une modification d'état, une atrophie de la parole sans cause mécanique. En fait. Oui? Hier encore, elle parlait, mais il fallait mettre mon oreille dans sa bouche. Ah, voilà. C'est bizarre aussi, non? Je vous l'accorde, Antoine, c'est curieux, c'est déroutant, mais les examens sanguins sont bons, la tension est excellente, le cœur bat normalement. La vie est là, Antoine. Le ciel est par-dessus le toit, si bleu, si calme. Un arbre par-dessus le toit berce sa palme. La cloche dans le ciel qu'on voit doucement teinte. Un oiseau sur l'arbre qu'on voit chante sa plainte. Vous connaissez? Hein? Mon Dieu, la vie est là, simple et tranquille. Cette paisible rumeur-là vient de la ville. Qu'as-tu fait, ô toi que voilà, pleurant sans cesse? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, de ta jeunesse? Paul Verlaine. La poésie survivra au désordre du monde, Antoine. Dans les interstices, elle survivra dans les interstices, mais la poésie survivra. Ne soyez pas inquiet pour Judith. Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. J'ai lu un truc vachement important, c'est sur le net. C'est une étude scientifique américaine qui le dit. Ils ont recoupé plus d'une centaine d'articles et ils concluent qu'un faible niveau d'interaction sociale, ça constitue un facteur de risque équivalent à la consommation de 15 cigarettes par jour. Mmh. Et c'est pas tout, hein. Ils disent que la solitude serait encore plus nocive que l'absence d'exercice et deux fois plus dangereuse que l'obésité. Et qu'à l'inverse, des relations sociales soutenues, avec ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues, ça augmente de 50% tes chances de rester en vie. C'est vachement intéressant, non? Ouais, c'est... J'avais jamais pensé les choses comme ça, mais... Du coup, ça m'a un peu tourneboulé, parce que je suis dans une zone de risque. Surtout avec le départ de Maud. Sans compter que... Je t'ai pas dit, mais... J'ai rendu ma carte de la sauce. Ah bon? Ouais. À cause d'une espèce de baffe que j'ai foutue à Jean-Luc. C'est le trésorier d'Afrique Espoir, et à l'inauguration de la semaine du goût... Bon, ça a fait toute une histoire. Hein? Non, mais tu vois... J'étais hyper content d'avoir pu récupérer les mômes pour qu'ils passent le samedi avec moi, et lui, il vient ficher notre joie en l'air avec sa rigidité à la con. Il n'y avait personne à notre stand. Tous les autres mômes s'éclataient dans la mini-ferme. Laura et Anthony pouvaient bien aller s'éclater deux secondes dans la mini-ferme. C'est quand même pas la faute de Laura et Anthony si personne n'avait envie de piler du mille. Mais ce crétin de Jean-Luc, il est tellement psychorigide. Il m'explique que si les enfants se sont engagés à tenir le stand, ils doivent le tenir même quand il n'y a personne. Alors du coup, ça m'a mis dans une espèce d'orage. Et alors... Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est Judith. Oh, les boules. Elle est malhabile, elle se cogne partout. Je crois qu'elle s'est plus très bien marchée. C'est vrai qu'elle était pas très en forme l'autre jour, mais... C'est une énigme. C'est arrivé d'un coup, et maintenant ça n'arrête plus. Hier, elle était pas si mal encore, et ce matin, pouf, c'est... Elle nous entend? Je sais pas. En tout cas, elle parle plus. Honnêtement, je suis un peu perdu. Tu sais quoi? Tu devrais jeter un coup d'œil sur le net. Il y a plein de trucs qui se dérèglent en ce moment. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Ouais, c'est le gros délire. Mais bon, faut que je m'en aille, hein, j'ai cours. Tu veux que je t'aide, Judith? Attends, non mais t'es en train de tomber. Tu sais, il faut... Tu t'es fait mal? Judith, ça va? Je t'avais aidé à te relever. Ta peau m'était désormais tellement étrangère qu'elle me répugnait. Tu ressemblais à une petite vieille qui viendrait de naître. Et moi, j'avais l'impression d'être un brancardier. Un de ces mecs qui ramassent des bouts de gens sur le bord de la route... ou juste même des vieux. Je me disais, putain, ces types, est-ce que c'est du courage ou simplement de l'habitude? Quelques heures après, Corentin téléphonait. L'excellente nouvelle, c'est que le père de Sonia lui avait proposé... Allô? De faire son stage de fin de premier semestre dans sa boîte. Ah bon? C'est formidable. Quand on sait la difficulté à trouver des stages dans l'industrie aujourd'hui, on peut dire qu'il avait une sacrée veine. La moins bonne... C'est qu'il nous invitait à déjeuner dimanche pour nous rencontrer et discuter des fiançailles. Et vu l'état dans lequel tu étais, je n'étais pas sûr que tu serais très présentable. Euh, Surtout devant une femme qui tient un institut de beauté, tu t'imagines le truc. Depuis la visite de Claude, ta mue s'était accélérée. Tu avais doublé de volume et perdu en maintien. Tu bougeais de façon désordonnée et tu n'arrêtais pas de renverser des trucs. Je n'étais plus très sûr que tu comprennes, mais je me disais que c'était bien de te parler. À la fois, on n'y va pas pour se faire mousser. Il s'agit de préparer les fiançailles de nos enfants. Ce serait gonflé de leur part de tirer la tronche. Tu crois pas, Piquet ? Les jours passaient et la situation ne faisait qu'empirer. Tes jambes et tes bras semblaient maintenant avoir été aspirés à l'intérieur de toi-même. Tu ressemblais à un poulpe aux tentacules raccourcis. Et toi qui avais toujours eu un appétit d'oiseau, tu te montrais de plus en plus gloutonne. Oh, évidemment, le problème, c'est la conversation. Ils vont sûrement vouloir discuter un peu avec toi. Enfin, surtout Sonia et Béatrice. C'est normal. Pour le menu, le plan de table... Comment ? Ton petit chuintement d'animal blessé avait cédé la place à un grognement désagréable et un peu agressif. Qu'est-ce que tu veux, Biquet ? Une saucisse ? Avec du chou ? Un peu plus de chou ? Mais bordel, qu'est-ce qui me prenait d'imaginer que je pouvais t'emmener là-bas ? J'étais soudain tellement oppressé que j'avais la sensation d'être dévoré de l'intérieur par une sangsue. Tu avais quitté la table et tu faisais des petits bonds. Depuis ce matin, tu te déplaçais par petits bonds. Ça n'était pas très rapide, mais efficace. Je me demande s'il serait pas plus raisonnable que j'y aille seul demain. J'ai peur que tu sois pas à ton aise. Forcément, ça va être un peu conventionnel. C'est le chou ? T'as pas aimé le chou ? Hein ? En me couchant ce soir-là, je me disais qu'il ne restait plus rien de la Judith que j'avais connue. Je t'avais définitivement perdu. Et jamais de ma vie, je ne m'étais senti aussi seul. Bonne nuit, mon Biquet. Le lendemain matin, tu n'étais plus dans le lit et je trouvais le dressing sans dessus-dessous. Je t'appelais et tu ne répondais pas. Judith ? C'était... Une tache sur le nez, de Hervé Bloch. Avec... Quentin Bayot. Agnès Pontier. Joachim Salinger. Laurent Lévy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Bernard Laniel et Arnaud Chapat. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Sophie Aude Picon.